Section 70 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 70. Tristesse des arbres. Par Maurice Rollina. Arbres, grands végétaux. Martyrs des saisons fauves, sombre lyre des vents, ces noirs musiciens, que vous soyez feuillus ou que vous soyez chauves, le poète vous aime et vos spleens sont les siens. Quand le regard du peintre a soif de pittoresque, c'est à vous qu'il s'abreuve avec avidité, car vous êtes l'immense et formidable fresque dont la terre sans fin par sa nudité. Quand la foudre et l'éclair enflent rafales et grêles, les forêts sont de mers dont chaque arbre est un flot, et tous, le chêne énorme et le coudrier grêle, dans l'opaque fouillis, poussent un long sanglot. Alors, vous qui parfois muez comme des marbres, vous endormez, pareil à des cœurs sans remords, vous tordez vos grands bras, vous hurlez, pauvres arbres, sous l'horrible galop des éléments sans mort. L'été, plein de langueur, l'oiseau clôt ses paupières et dort paisiblement sur vos vivants hamacs. Vous êtes les écrans des herbes et des pierres et vous mêlez votre ombre à la fraîcheur des lacs. Les seules nuits de mai, sous les rayons stellaires, au parfum dont la terre emplit ses encensoirs, vous oubliez parfois vos douleurs séculaires dans un sommeil bercé par le séphir des soirs. Et le soleil vous mord, l'aquilon vous cravache, l'hiver vous coud tout vif dans un froid linceul blanc, et vous souffrez toujours jusqu'à ce que la hache taillade votre chair et vous fauche en sifflant. Partout où vous vivez, chênes, peupliers, ormes, dans les cités, aux champs et sur les rocs déserts, je fraternise avec les tristesses énormes que vos sombres rameaux épandent par les airs. Fin de la section 70, lue par Margot.